All carré. Dao man, Jerry da fond qui est là. Yeah. Street life, nigga. Mec heureux. Talks life, nigga. Vidreux, nigga. Je milite pour que les choses bougent. Milite pour sortir de la zone rouge. Milite pour pas rester en bas. Milite 9-1, milite 9-4. Milite pour le street power, black power. Milite unité, les chemins de la dignité. Milite free pour moi, je viens de la street comme toi. Milite CNR, milite 9-4. Diplômé ici, mais ils ne sortent pas de Harvard. Simple agitateur, mais on est peu bavard. Sois un professeur et transmet le savoir. Avant tout réclame la paix, comme appelé savoir. Si t'as du mal à comprendre, attends je t'explique. Ceux qui tirent les ficelles ici ne vont jamais au casse-pipe. Certains ont peur de l'amalgame, vivent dans un autre monde, pètent les câbles pour peu. Là le drame, certains discours flirtent avec le ridicule. Mais ce qu'ils cherchent à comprendre, ces jeunes qui brûlent tous ces véhicules. Y'a trop de confusion, le système n'arrête pas de sévir. J'ai juste appris à me servir. Désespoir, inexistence et amertume. Un jour tu comprendras pourquoi certains boycottent les urnes. J'attends rien du système et crois peu au miracle. Regarde la scène politique, elle devenait un spectacle. Tu peux en parler, comme tu peux essayer de sensibiliser. Mais le champagne ne s'arrêtera jamais de couler à l'Elysée. Pour certains c'est trop abstrait. C'est juste la vie d'aujourd'hui dans tous ses aspects. Hey yo, tu connais le deal, nigga. C'est toujours les mêmes qui mangent. Comment on peut rester tranquille, nigga? Des femmes et des hommes tombent. Sache le cousin, j'émerge de ces zones d'ombre. Je milite pour que les choses bougent. Milite pour sortir de la zone rouge. Milite pour pas rester en bas. Milite 9-1, milite 9-4. Je milite pour le street power, black power. Milite unité, les chemins de la dignité. Milite free pour moi, je viens de la street comme toi. Milite CNL, milite 9-4. Ce qui est sûr, c'est que je serai pas cadre. Mon mic, mes textes, de quoi je suis capable. Je m'attarde, je traque du palpable. Chez moi, évite de sortir le soir tard. Ivry, un champ de bataille, les types ont des guns dans leur cartable. Chacun cherche son bouga à imiter dans un truc s'initier. Chacun cherche son chemin vers la dignité. Militer contre le système, l'état, la justice dans le monde, ou bien contre nous et nous-mêmes. Si on prend conscience en même temps, mec on avance. Mais quand on se baise entre nous, ben mon frère c'est perdu d'avance. On devrait mener la danse, street power. Nos propres trucs, nos propres thunes, le bled power. Dans cette vie de malheur, j'avoue que c'est plus dur, mec, si t'es black ou beurre, mon frère. Comme j'ai un mic, je m'en sers. La rue a besoin d'avocats, médecins, cadres, sincères. On sera pas tous des idanes, ou sur scène, en concert. On est des soldats en mission baki pour trahir. Pour leur science, leur cash et rentrer au pays. Je veux et tu veux croquer le monde comme l'hostie. Mais où est-ce qu'on va cramer des caisses pour aller au ski? Faut qu'on arrête de faire les cons et puis qu'on s'organise. On s'instruit, on construit avant de faire nos valises. On sait quoi faire, ramer pour sortir de la merde. Je te jure que si on fend qu'un, mon frère on ne peut pas perdre. Milite pour que les choses bougent. Milite pour sortir de la zone rouge. Milite pour pas rester en bas. Milite 9-1, milite 9-4. Milite pour le street power, black power. Milite unité, les chemins de la dignité. Milite free pour moi, je viens de la street comme toi. Milite CNL, milite. Je milite pour que les choses bougent. Milite pour sortir de la zone rouge. Milite pour pas rester en bas. Milite 9-1, milite 9-4. Milite pour le street power, black power. Milite unité, les chemins de la dignité. Milite free pour moi, je viens de la street comme toi. Milite CNL, milite 9-4.